Bonjour à tous, Grushkov et Tuki. C'est moi, c'est Gollum. Ah oui, stupide Abidjouflou, non. Mon précieux, voilà. Oui, alors, je dois faire l'enregistrement du King. Alors, le King, il a une voix assez grave. Je suis le King. Oui, mon précieux, c'est comme ça, oui. Ah, mon précieux. Voilà. Alors, le King, il a une voix un peu comme ça. Hello. Hello. Oui, ça enregistre. Coucou. Comment ça va? Comment ça va? Je vais tester la saturation un petit peu. C'est bon, ça ne sature pas. C'est reparti pour un tour. Hello, Tuki et Grushkov, c'est François TJP. Et dans un instant, Burger, je vais interpréter. Oui, alors c'est sur un petit départ musical que je commence cet enregistrement. Ça met la pêche. Je suis très en forme ce soir, j'ai enregistré plein de trucs avant. Truc de dingue, un rôle pour Steven Spielberg, un rôle pour John Rambo, enfin bon, vraiment, voilà, une soirée de malade. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment, donc Burger, putain, je sais plus du tout comment je fais Burger. Vous aviez besoin de moi? Je mue. Bonjour, je suis la nouvelle voix de la Résistance. Et donc vous m'engagez parce que je lui ressemble? Merci. Du conseiller de Monsieur le Président Maire de Big City. Voilà. Big City, Marcus. Chapitre 3. J'ai envie de dire chapitre, donc chapitre. Troisième chapitre de ma vie. Tu l'as. Ah, impossible de charger le plugin. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi? Ça commence bien. Ma vidéo commence bien. Mon enregistrement, pardon, commence bien. Par là, ma main. MDR. Donc. Deux ou trois. Trois ou quatre. Quatre ou cinq. Cinq ou six. Ou sept ou huit. Je veux créer le plus grand parc d'attractions et de loisirs du monde entier. J'ai mis un accent, je sais pas pourquoi. Bon, c'est parti. Enfin, c'est pas parti, pardon. Et si c'est pas parti, eh bien c'est... Bon, bref. Reprends-toi, qu'est-ce que je t'ai appris? Pardon. Vous pouvez admirer à votre gauche l'intégrale. Ouais, attends, tu faisais du bruit. Faites tomber Dédé. Ah non, c'est... Ah non, oh. Scène 8, le Royal Maire. MDR. Tribal King. Je sais pas pourquoi. Boeing Telecom et Bico... Putain. Boeing Telecom, sérieusement. Boeing. Boeing, boeing. Bonsoir, Liberticipi. Liberticipi. Pourquoi j'ai deux répliques d'affilée? C'est bizarre. Alors, on met du pain et un steak à l'intérieur. Waouh, tes blagues sont nulles, mec. Tes blagues sont nulles. Ça fait déjà 5 minutes que tu parles dans le vide et t'as pas enregistré un mot. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est la première réplique de Burger. Mais pourquoi? Je n'ai pas de voix normale. Non, ils ont l'air de s'affairer sur les murs. Je pense qu'ils vont repartir, vu que leurs hélicoptères sont en position stationnaire. Mais il ne vaut mieux pas les... Putain. Les mêmes spectateurs qui ont laissé la ville être emmurée et qui se moquent des gens qui crèvent dans les bas-quartiers. Oula. Wouah. Ouais, j'ai voulu partir en ironie, mais c'est pas son style. Ouais, il est un peu genre... Ouais. Un peu je m'en foutiste. Tu vois, je commence à comprendre, ce serait... Il serait temps. Ok. Grushkov est parti s'occuper de son fils. Nous allons tenter d'imaginer Ce que fait le Grushkov sauvage en état d'urgence. Oh merde, il revient. Le Grushkov a accouché son fils. Il revient à présent vers la station d'enregistrement pour continuer à fouetter et à torturer ses acteurs. Re, t'as un casque au fait? Ah d'accord, cool. Tu comprendras au dérochage. Wouhou! C'est cool! Bon allez, c'est parti. Ça fait un peu patron de SLG. La place est vacante alors, gamin! Voilà. Atterrir? Atterrir? Comment que ça se fait? Dis donc, c'est atterri où? C'est ma femme qui m'a appelé, tu sais, Chloé, qui m'a appelé. Elle m'a appelé où? Au téléphone? Mais arrête, lis le texte. Read the fucking text. Ok. Du coup, on en a refait 15. C'est une vraie production ici, on est sérieux. Elle est parfaite, on la refait. Il va pas ouvrir ton truc. Ça va être foutu. Je vais pas pouvoir enregistrer. Ah si, c'est bon, c'est bon. Mais il a quand même tué en se prétendant pacifiste. C'est un imbécile. Et il est dangereux. Il a tué Owen et Kyle. Tu crois que ça l'empêche de dormir? Moi oui. Et je sais que toi aussi. Tu as du mal à dormir. Tu sais, on pourrait passer des soirées ensemble. On pourrait s'occuper entre hommes. Ah bravo. Eh, je savais pas, j'ai bu du Pepsi tout à l'heure. C'est pas ma faute, ok? C'est mon organisme qui est comme ça. Me juge pas, ok? J'ai juste des problèmes gastriques. Peut-être que si je passe devant les caméras... Peut-être que si je passe devant les caméras et que les spectateurs me voient, ils me reconnaîtront et feront pression sur le gouvernement pour faire cesser de tousser. Merde, j'ai parlé en vrai. Ah, vas-y, refais là. Okay. Alors, un autre truc qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, personnellement, j'ai un éternuement un peu bizarre. Genre, bah, je pourrais, si je le force, ça, c'est pas vraiment le truc, mais genre, ça fait genre... C'est un truc comme ça, tu vois. C'est quoi, tes lunettes? Petite blague gratos comme ça. Studio TJP. Ah bah voilà son petit frère. Attends. Ah oui, non mais attends, je voulais quand même refaire la... Ah bah décidément. La réplique. Ah, je bafouille. Blablabla. J'ai donc eu l'idée de mettre en place une émission de télé-réalité. Non, pas du tout. De télé-réalité. Oui. Ah. Et ce serait pas très pacifique. Il y a beaucoup de Auteur best-seller grâce à leur autobiographie. Putain, ce sont des phrases quand même très. Voilà. Enfin, je me comprends, mais voilà. Marcus se lève et tape sur la table. Je m'y oppose. Ce mariage ne peut pas avoir lieu entre un burger et Chloé machin bidule Kate. Je suis outré. Je vous provoque en duel. Pchut. Bande de sagouins. Non, on n'a pas le télénet. Non. Voilà, j'ai repris dans la foulée parce que je sais pas, mon câble a dû sauter, mon enregistrement s'est coupé. Ah non, mais j'avais tout jusqu'à maintenant en fait. Du moment où j'ai dit « Ah merde, ça a coupé », ça avait coupé. Monsieur le Président, déjà, je suis là. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'on peut être discret? Oh, pardon, il y a quelqu'un? Ma vie entière... Quoi? Non, c'était pas bien? Ok. Il s'est cassé, j'imagine que c'était nul. Aide-moi, putain! J'avoue que ce dernier essai est un petit peu raté. Vite! Vous savez, si les gens en avaient quelque chose à faire, il n'y aurait pas le mur autour de la ville. Ils sont un petit peu cons, les gens, hein. Je vais sortir avec quelques gars, on va péter ses caméras. Vous pouvez arrêter de prendre des pauses devant la caméra, elle n'est pas allumée de toute façon. Et vous pouvez arrêter de faire des pauses devant la caméra, parce que ça me fait vraiment bander. Alors, onomatopée du mec qui crève, si vous voulez que je vous le fasse, il va falloir vous m'expliquer ce que ça veut dire. Lâche-moi. Je vais leur mettre une misère, lâche-moi. Auto-best-seller. Moteur. Auto. Mais oui, une voiture. Vroom, vroom, best-seller. Ah merde. Oh merde. La pelle a craché. Le Grushkov sauvage est en train de rager sur sa connexion qui est totalement pourrie. Nous allons tenter une nouvelle approche. Appel rejeté, d'accord, merci. La, la, brrr, brrr, brrr, brrr. Bon. Est-ce que tu vas répondre oui ou bordel? Telle est la question. Eh ben, en attendant, on va, on va attendre, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Eh bien, on peut lire les répliques d'après. C'est une bonne idée. Oui, faisons ça, tiens. Bah ouais, mais bon... Ta gueule, qu'est-ce que j'ai des rappels sur mon téléphone? Non mais attends, c'est un titre d'album, rappel de téléphone. Oh putain, mais arrête, reste concentré. Cela n'avait pas marché parce que ton père... parce que ton père, ça avait pas marché. Voilà. Oui, oh yeah baby. Ok, c'est pas mal. La semaine prochaine. Ouais. Carrément. Non, ils sont... Eh, mais arrêtez de me couper la parole. Non. Bon, ils sont agressifs, il y a eu des attaques. Non. Ah, putain. Le bug. Salut, je suis le fermier Porky. J'ai appris que tu voulais attraper les moutons de Sam, le chien de berger. Attention. Putain. Lui, au moins, il n'a jamais trempé dans une affaire de castron. Vous admirez sur votre gauche l'intégralité des logos de Bicola de 1939 à aujourd'hui. Mec, ça fait chier son métier. Bah, attends, je le fais en mode ça fait chier ou pas? Non, mais ça fait mieux. C'était déjà pas mal, vas-y, fais-lui encore plus. Le mec ennuyé. Ils sont agressifs. Quel est ton sentoc? Est-ce qu'ils sont aussi agressifs que moi? C'est trop ça. Merci. Vous avez bien raison, monsieur le président maire. Vous avez bien raison d'acheter ce nouveau modèle d'Aspiro 3000. L'Aspiro 3000, le modèle d'aspirateur qui aspire vos parquets en moins de 53 secondes et 257e millième. Bienvenue dans le monde de l'Aspiro 3000. Disponible dans tous les points de vente. Non. Encore une fois? Non. Plein de non. Il y a tout. T'es sérieux? Juste des non. Pardon. Je sais pas si c'est ce que vous vouliez. Lâche-moi! T'es bien placé, toi, pour me dire ce que je vaux. Va donc faire des plans pour ton débile de mari, pour partir se pour aller tout ce qu'il voulait. M'énerve. Me casse. Mais c'est ça qui me tue, c'est quand tu penses dans toutes les séries, les films et tout, les mecs, quand ils sont dans des scènes comme ça, ils sont tellement énervés, je sais pas comment ils arrivent à placer des phrases comme ça. C'est moi, généralement, quand tu t'énerves ou quoi, t'as plus matière à bafouiller et à dire n'importe quoi et à faire. Voilà, qu'à vraiment dire un. Pareil, vous tous, vous m'énervez. Les discussions, elles finissent justement comme ça. Elles finissent pas, tu sais, avec un long discours en mode « Oui, j'avais raison. Lâche-moi, casse-toi, là, avec ton mari. Merde, voilà, me casse. » Cette phrase veut absolument rien dire, je suis désolé. Enfin, j'ai pas... Bon, je vais faire le mec pas finaux, mais j'ai pas écouté les deux premiers épisodes. Mais cette phrase ne veut pas dire grand-chose. Et si c'est possible avec moi. Perche pas la bouche pleine. Oh, ce que c'est dégueulasse. Bouche pleine. Et moi, j'ai pas la bouche pleine. Non, c'est Perche Man qui avale, justement. Allez. Perche Man, il avale. Oh, j'aimerais tellement que les chamois entendent ce qu'on dit, là. Non, je voudrais pas que les gens m'envoient des mails pendant que je travaille. Écoutez, merde, je travaille. Ah, c'est John Malkovich, cette fois-ci. Miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou. Oh. Ok, cette blague est trop longue. Je la couperai au monte... En fait, j'ai fait semblant que je l'avais coupé au montage. Mais en fait, je coupe pas, je fais juste un... Putain, les rushs de 47 minutes, quoi, c'est pas possible. Petite phrase de 4 lignes, ça va. Transition. Ne laissez pas vos rêves rester des rêves. Surtout quand la ville dans laquelle vous vivez sombre dans la folie. Avec nos propres problèmes. Nos propres problèmes. Ça commence à m'esquinter la gorge. Et je suis même pas à la moitié du script. Attends, t'es en train de flipper là ? Oui. Pourquoi tu flippes ? Ah, parce qu'elle... parce qu'elle a un... Non, elle a un flingue aussi, surtout. Ah, mais il parle pas à Truc, je me disais bien qu'il était clamsé, ce con. Mais oui, les morts sont du cadavre de l'autre qui crame. Ah. Je sais pas si c'était l'intention de la scène, mais ouais, ça fait un peu creep, en fait. C'est totalement creep. Oh là, je fais très bien le vent. En sanglot et criant à moitié en s'étouffant. Wow, et avec ça, tu veux pas que je joue de la guitare? Alors, on va le faire le sexe, vu que je suis lavé, tout propre, tout beau. Ouh, je sens bon le sable chaud. Entrez. Ou un bas de café. Asseyez-vous sur mon bas de fauteuil. Peut-être qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait passer au-dessus du mur en volant, nous aussi. En volant? Oui. Ah. Crève de ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles, et là-haut dans le ciel. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Voilà, je chante très mal. Alors, je peux te faire une imitation de Michael Owen? Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Non, mais tu dis blasé, blasé. Moi, je te fais l'essence du blasage et t'es pas content. Bah, pourquoi? T'as tes règles? Bah, pourquoi? T'as des équerres? Bon. Bah, pourquoi? T'as tes équerres? Oh putain, c'est nul, mec. Mais attends, mais on n'est pas censé être là une seule et même personne? Mais tu m'avais pas dit que justement, Perchman et Cameraman, c'était une seule et même personne? Et quand elle découvrir après? Si, tu m'avais dit, dans les enregistrements pour l'épisode 2, qu'en fait, ça va être la même personne qui a une double personnalité. Et justement, ça, on va le découvrir après. Si, tu m'avais dit. Si, tu m'avais dit ça. C'était un mec qui avait... Non, justement, tu m'avais dit ça, et puis après, je t'avais dit, mais c'est trop bizarre, et tu m'as fait, ouais, et on va découvrir plus tard que c'est la même personne, mais juste qu'il a deux personnalités. Non, c'est qu'en fait, tu avais prévu ça, mais qu'après, je t'ai aperçu que c'était une idée de merde. Ça aurait été trop bien. Et vos cheveux ont l'air doux. Et en quoi ça vous concernait? À cause de votre capice de pays à papa. Des millions de gens sont morts. Je suis très attristé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Putain, pourquoi j'écris des répliques de merde comme ça? C'est tellement pas intuitif. Bah, qu'est-ce que c'est que tout ce bonsoir? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Putain, mais c'est de la merde! Je ne crois pas qu'il y ait des brebis, Bunger. Bingo Bob. Je ne crois pas qu'il y ait des brebis dans le coin, Bunger. Burger! Ou alors, je le fais en mode Barbie. Et vous avez pensé à moi parce que je lui ressemble, c'est ça? Je suis vendu au patriarcat! Vous connaissez mon nom? C'est parce que tu es très jolie. Oui, c'est vrai, elle est très jolie. C'est un autre personnage, ça. Ce n'est pas ce personnage-là. Voiture qui passe en fond. Avons-nous vraiment besoin des autres? Parce que les autres, ils sont cons et moches. Putain! En même temps, mon nom, il est pas accroché à ma chemise. Écoute, il y a des gens qui s'échangent des tuyaux pour pouvoir deviner ça à l'œil nu. En regardant des références photos, en calculant l'épaisseur des couches de vêtements en fonction de quoi ils ont l'air. En gros, de dire qu'un pull en laine, ça ajoute 1/2 millimètre, alors qu'un t-shirt, ça ajoute, enfin bref. Ou n'est-ce pas? Écoute, certains en font un métier, ceux qui ne peuvent pas en vivre en font une passion, et on en a marre de tes jugements. Oh oui, vas-y, allez, c'est le jour. Dans sa tête, oh oui, vas-y. Je ne vais pas vous contre... Putain, oui, en plus, ouais, allez-y, hein, je vais rien dire. Écoutez, oui, je comprends bien. Ben, dans mes souvenirs d'enfance, ma maman, elle aimait pas trop quand mon père la tabassait. Alors je me suis dit qu'il fallait essayer de faire l'inverse de lui. Mais si lui aussi, il arrivait souvent à faire le sexe avec elle... Mais elle pleurait en même temps, c'était bizarre. C'est glauque, les mecs! Oh non, c'est trop glauque, votre histoire! Oh non, non, non, non, non. Je refuse de faire l'apologie du viol dans un de mes rôles, là, c'est pas possible. Oh non, c'est glauque! Bon, je fais pas l'apologie, je sais bien. Mais c'est glauque quand même, hein. Je tiens à le dire. Le background de ce personnage est particulièrement glauque. Je le fais avec plein de pop. Ah, je dirais une lame télescopique, ce serait largement faisable avec ce que nous avons ici. Oh. Oh mon Dieu! Je m'appelle Alistair. Je suis le conseiller Alistair. Et vos couilles. Parce que je sais que vous en avez une sacrée paire, Amy. La la la. J'ai posté des soldats dans l'entrée, mais je pense que ce sera pas suffisant pour les contenir. Je commence à avoir mal à la gorge. Maintenant qu'on sait... Il faut que je buve. J'ai plus d'eau. Ah. J'ai de l'eau, merci, bébé de boue. Ah, un peu de bicola, ça fait toujours du bien. J'en serais ravi. Ouais, t'as intérêt. Enfin, merci monsieur le président maire. Vous êtes mon sauveur. Je veux vous faire le cul. J'ai repris mes esprits à ce moment-là. Bob. Hey Bob, t'es où Bob? C'est la World Company ici. Bob? Bob! Wouhou, Bob. Putain, c'est wouhou. Wouhou. Hey, je fais la nouvelle pub. Wouhou. Wouhou. Y'a un autre mec qui s'appelle Burger? Que je le mange? Y'a un autre mec qui s'appelle Burger? Et ce mec, il croit que je vais le laisser passer comme ça, que je vais pas lui casser la gueule? Je crois que c'est la boule de feu dans le ciel, monsieur le président maire. Cet avion a explosé. Il y avait Teddy, mon ours en peluche, dedans. Ah, je crois que j'énerve des gens en haut. Il tape contre le parquet, pour que je parle moins fort. Oh, j'ai mal à la tête, là, t'imagines même pas, putain, sa mère, vas-y, comment tu parles? Un burger, quoi. Plus besoin de moi, Marcus. Tu es un grand maintenant. Tu as des poils au pubis. Allez, vite. Lève-toi, jeune. Lève-toi, jaune. Lève-toi, force jaune. Nous n'en avons pas fini. Nous devons aller retrouver les autres QG. Et former le Megazord. Oh putain. Go, go, Power Ranger. Et tu vois, le président vert, c'est force noire et tout. Et leur canon, c'est du Big Cola. Et du coup, t'as un combat final contre le pacificateur. Oh, ce serait trop bien. Le pacificateur, il devient géant, tu sais pas pourquoi. Il y a un combat au katana. Même si c'est hors contexte, mais il y a toujours des katanas. T'as tout fait, il forme le mécanisme, il fait... Il y en a qui se prennent, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et puis t'as Bob qui fait... Oh, et puis c'est le bordel, hein, moi je me tire. Je suis trop vieux pour ces conneries. Dire des conneries, c'est une soif, c'est épuisant. Et c'est pas valorisant. Mais dire tout ça en riment, franchement, c'est pas très plaisant. Mais je peux pas faire sans. Et pourquoi tu as l'air paperlex? Mais pourquoi tu serres les fesses? Oh non, mais arrête quoi, c'est nul. J'ai repris mes esprits à ce moment-là. Je me suis rendu compte de la folie qu'on s'apprêtait à faire. Je pense que votre cause est juste, vous vous battez pour un monde meilleur dans lequel nous serions tous égaux, les autres ne pensent qu'à eux et à leur confort. C'était random, c'était très très random. D'accord, j'ai un peu mélancolique, tu vois, c'est... Non, allez, viens, s'il te plaît. Mélancolie avec ton ton dans la phrase, c'est assez chaud. Adieu, oncle Bob. C'est Pierre, en fait. Adieu, Marcus. Arrête de faire des let's play, bordel. Il y a encore du viol. Moi, je remarque qu'il y a sans arrêt du viol dans cette série. Je pense que vous avez un problème avec ça. Tout de suite, monsieur le président, laissez-moi préparer l'huile de massage spécialement fait pour vous. La marque, quand vous avez demandé, faite avec la sueur d'une centaine de milliers de milliards de soldats de votre armée, que vous avez fait tout faire, tout contenir dans une bouteille de 10 centilitres, spécialement utilisée pour vous. Mais j'avais réussi à le calmer! Tu me fais un bisou? Vas-y, fais un bisou, salope. Putain, mais arrête, c'est hyper grossier. Enfin, Burger, tu peux pas parler comme ça. Je suis pas Burger, vas-y, je suis un gros racaille, là. Vas-y, moi, je parle comme ça et tout, tranquille. Wesh. Oh, le nouvel album de Kenji Girac. Wow, comment c'est de la bombe. Ceci était... Je sais pas quoi dire. J'ai plusieurs personnes dans ma tête, j'ai l'impression, ce soir. Beaucoup. Beaucoup trop. D'accord. Il a sauvé Burger aussi ou pas? Ah. Du coup, j'imagine trop le truc, bâtard. Il va les voir, il trouve Kate est assommée, il voit Burger, tu sais, encore en vie avec les jambes coincées, un truc. Ah, oh, aide-moi! Tu sais, il prend Kate, il le laisse. Merculé! Je veux du. Je veux le contraire du chocolat! Qui est-ce? Mais c'est un jeu de société, le qui est-ce! Mais c'est formidable! J'adore jouer au qui est-ce! Est-ce qu'il a des moustaches? Est-ce qu'il a des lunettes? Non, mais c'est un truc, j'essaierai de m'en souvenir si jamais un jour j'ai des enfants, j'essaierai de leur filer du sel. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Oh, même mort, il avale toujours aussi bien. Mais il est pas en train d'enculer, arrête, c'est les bruits de mec qui tire quelqu'un d'autre. Et tirer dans le sens... J'étais sûr que t'allais faire cette blague. Putain, genre, les mecs, ils font un épisode 2 de Les Feux de l'Océan avec le son Les Feux de l'Océan épisode 2. Normal, en fait. Ouais, normal. Ok, on passe au 20. Ticket de sortie. Les autres ne pensent qu'à eux et à leur confort. Quoi? Les autres? Non, mais c'est les ortres, c'est une race fantasy totalement originale. Les ortres, c'est pas du tout pompé sur Tolkien. En fait, ils sont grands, ils sont verts, ils ont des oreilles pointues, ils ont des cicatrices et c'est des elfes qui ont été déformés par un mage noir, mais c'est totalement original. C'est rien d'autre, c'est des ortres. Et oui aussi, ils chevauchent des loutres. C'est pour ça qu'on les appelle des ortres et ça c'est original. Attention. Trompette. Merci, merci. C'est Roger, monsieur le King. Eh bien, me voilà. Ils sont de plus en plus nombreux à ses pieds. C'est l'homme, c'est le Perseman des enfers. Il a un millier de démons à sa solde et il va tous vous détruire dans l'enfer du monde. Ça fait mal. Putain, chute avec sa voix. Chut. Ça faisait partie de notre marché. Oh, il y a des répétitions, putain. Mais vous êtes sérieux? Bordel à cul, je déteste les répétitions. Oh. Désolé. Mais ça m'énerve, les répétitions dans les textes. Oh putain, non mais... Kate, bon, elle va nous tuer. J'en sais que si tu comptes... J'en sais que si tu continues, tu vas t'en prendre un point dans... Tu vas t'en prendre un dans la tranche! Tranche. Eismer. J'ai parlé comme ça tout le long. J'en sais que si tu continues, tu vas en prendre dans la tranche. Un beau gros coup de poing dans la tranche. C'est très agréable. Voilà. C'est mon instant creepy. Alors. Parce que se faire bombarder pour un partage dans la blague. Vous allez voir, les nouvelles copines, vous allez parler Nail et tout, ça va être cool. Vous allez pouvoir faire vos angles, les soirées pyjama. Pareil, les deux, pareil, exactement les mêmes. Oh, fou de ta pute. Wow, tu attrapes pas de pute déjà parce qu'elle te ressemble. Et là, c'est marrant parce que j'ai enregistré exactement cette réplique il y a pas longtemps. Exactement la même, les mêmes mots, dans le même ordre. truc de dingue. Tu vois, je t'avais bien dit que ce serait mieux comme ça. Non, mais là, elle est tout le temps énervée. La meuf, elle a la rage. Je t'aime, putain! Le petit con! Les Azophées nous ont attaqués. Jaune est tombé et ils l'ont bouffé. Ils lui ont mis du bleu partout. J'ai eu peur que sa main s'infecte, alors je lui ai coupé. Puis c'est pas les infectés, si. Oh merde. Il s'est fait mordre, du coup dans le doute, je lui ai coupé. Oh merde. Oui, c'est impressionnant. Oui, c'est tout à fait impressionnant. Vous avez là un magnifique Bicola de 1857. Ah, mais non plus, on s'est trompé, c'est 1890... 1827... Bon, on s'en fout, hein. On sait qu'à l'époque, la consommation du Bicola était vraiment très répandue dans la population. D'ailleurs, savez-vous que le Bicola était très utilisé pour soigner la folie démentielle et aussi les maux de tête? Ouais, on faisait directement une ablation d'une partie du cerveau qu'on le remplaçait par une petite bouteille de Bicola. On pensait que la liqueur divine du Bicola allait se desservir petit à petit dans le cerveau du patient jusqu'au jour où il n'y aurait plus de folie et vivrait en plaisir complet avec le Bicola. Évidemment, tout le monde est mort. Oui. Mais certains ont survécu et se sont devenus les zombies Bicola. Oui. Ces petits animaux que vous avez dans les eaux, là. Vous voyez, ces animaux-là? Eh bien, ne vous approchez pas, ils sont bizarres. Bref. Oh, j'ai fait du bruit, putain. Je vous refais. Ouais. Alors, je pense que le bruit a été après, mais quand même. J'ai l'impression que Monsieur Perchman pisse le sang. Et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là, Ne parle plus. Parle plus, concentre-toi, voilà. Ouais, on respire un peu, c'est bien, ça fait du bien. Ok. Roger, fais-moi confiance. Une fois qu'on sera sorti d'ici, on ne lui devra plus rien. Et on sera libre. Toi et moi, on pourra se marier, avoir des enfants. Ok, maintenant on fait un autre ou il dit pas d'accord. D'accord. Je pense que votre cause est juste. Vous vous battez pour un monde meilleur dans lequel nous serions tous égaux. Les autres ne pensent qu'à eux et à leur confort. De l'emphase. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est débile. Est-ce que je le fais quand même au cas où? Non, bah non, ok. J'ai juste pas la tête à ça. Mais c'est... Mais alors, elle est pas énervée, putain. Je sais pas, moi. Elle est pas comme toi, elle s'énerve pas dès qu'on a du sexe. 18, l'aéroport. L'aérocochon. Je vais regarder ses chaussures, parce que je suis pas sûr. Ah oui, je sature complètement, putain. Oh, bah, faut que je recommence tout. Non, je recommence au moins là. J'ai saturé. Faut que je recommence. Ce brave muffin, putain. Putain, mais entre les burgers et les muffins, faut avoir mangé avant d'enregistrer. Hein. Je vais appuyer sur ce bouton. Ouais, maintenant appuie pas dessus parce qu'en plus, oui, ça fait des vibrations. Oui, désolé. Parce que... Il n'a jamais trempé dans une asphère. Vous faites passer votre parole avant tout, King. J'espère que ça ne se retournera pas contre vous. Ah, mais c'est tout. C'est fini. C'est fini. Pourquoi je te demande? Ah, mais non, mais c'est encore plus dégueulasse, quoi. Pourquoi on écrit des merdes comme ça, chérie? Je sais pas. Non, mais toi, c'est pas pareil. Je peux pas coucher avec toi. Ah non, alors si on tombe dans l'inceste, là, je vous préviens tout de suite, je me casse. Voilà. Je laisse le micro allumé, je me barre, je vais manger des chipolatas. On allait retourner chercher des survivants, mais pour une raison que j'ignore, la ville a déjà été rasée. C'est con, hein? C'est dommage, hein? Y'a plus de burger. J'en sais que si tu continues, tu vas t'en prendre un point dans la tronche. Tu vas te prendre un point dans la tranche. Tu vas te prendre un point dans la tranche. J'en serais ravi. Je suis un robot clone de Kate Bobs. Bip, bip. Je suis une version alpha. Bip. Ah, t'as fait pour envoyer des hélicoptères. Mais à chaque fois tu fais, ah ouais. Oui, à chaque fois je remonte et ouais. Il n'a jamais trempé dans une affaire d'entéro. D'entéro en gastrite. Vas-y, vas-y. D'entéro en gastrite. Voilà. Pardon. Son l'âme qui se déploie, son l'âme qui siffle, son l'âme qui entaille, son assoiffé qui meurt. Maire. Conseiller. C'est bon, monsieur le président maire. Il est mort. Il est mort. Caméraman. C'était ultra classe que t'as fait. C'est cette émission. Du Big City. Ça me fait peur. J'ai très peur là. Je suis effrayé. Oh là là, j'ai peur. Ayez confiance en moi, bon sang. De merde. Bon sang de merde. Je sais pas si je fais un bruit vraiment dégueulasse, mais je sais pas. Non, on va éviter, on va passer. Non, ah non, tu demandais, non. Non, non. On allait retourner chercher les survivants, mais pour une raison que j'ignore, la ville a déjà été rasée peu cher. Ils nous ont fait chier, on a oublié l'horaire d'été, s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une semaine de décalage. Ah bah quand je murmure, en fait, je bégaye plus. C'est pratique dans un donjon. C'est fini, je n'ai plus de gorge. Je n'ai plus de gorge. C'était un peu bizarre ce que j'ai fait, mais j'ai un petit peu mal à la gorge. Et salut, j'ai un petit peu mal à la gorge. Je sais pas si vous m'entendez. Bon. Et on coupe le micro. Mais ils se sont peut-être fait attaquer par Kenji Girac. Oh merde. Oh ça c'est pas cool. J'avais gagné putain de merde. Ils ont des armes. J'ai bavé. Oui. Oui. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi tous. Tous, hein. C'est contre nature. Absolument pas. Pour de vrai. Tout est vrai. Tout est bon dans le cochon. Oh là là. Bip de bip bip bip ta bite la bip bip bip. Je suis pas sûr d'avoir le même bégaiement sur toutes les répliques. Enfin, je suis quasiment sûr même de pas avoir le même bégaiement sur toutes les répliques. Donc c'est pas vraiment un bég. Je pense que c'est quelqu'un qui a des troubles phoniques et dysarthriques majeurs qui nécessitent sans doute de nombreuses séances de rééducation. Par un orthophoniste et probablement aussi une IRM hein, parce que là ça va pas très bien quand même. J'ai fini. J'ai fini pour... Allez, je te fais 9 minutes, d'accord? Alors, je sais que tu t'en bats que t'en as un peu marre et que je fasse des rushs un peu longs, mais voilà, je trouve ça rigolo. Alors, je te fais 9 minutes et au bout de 9 minutes, je coupe directement. Ça va être rigolo. Allez, dans quelques secondes, et c'est parti. Pardon, c'est géant. Enfin, on va voir ce qu'il y a au-delà de Big City. One. Je suis de la poitrine en plus. Comme ici, George Wells en 1907. Là. Non, moi je suis 1900 là. T'as commencé en 1900, il y a trop de d'ellipses spatio-temporelles. Et là, je crie. Ok, alors attention, debout. Peut-être que tu devrais prévenir ta famille que je vais crier. Même mon mari me connaît. Même mon mari me connaît. Connaît-moi. Oula, s'énerve. Pose cette boîte de cassoulet tout de suite. À qui le dites-vous? Vous savez... Je voulais pas être un héros de guerre, mais finalement, ce qui est arrivé, les événements sont enchaînés comme ils se sont enchaînés. On ne choisit pas d'être un héros, mon cher. On le devient. Pleure de plus belle, blanc. Blanc! C'est charmant, hein. Je suis en train de me battre avec une sucette en même temps. Tu vois l'efficacité, quoi. Je fais des répliques en bataillant avec une sucette. Hein? Et c'est comment une ville qui est pas apocalyptique? Ah bah non, tu le dis bien là, t'es con quoi, Burger? Pardon. Ah oui, bah je sais, mais bon, fais gaffe. Ouais, d'accord. Par contre, j'ai toujours un problème avec votre bras bionique. Ah oh, putain, oh, c'est impossible à dire. C'est bras bionique. Par contre, j'ai toujours un problème avec votre bras bionique. Par contre, j'ai toujours un problème avec votre bras bionique. Ouais, voilà. Par contre, j'ai toujours un problème avec votre... Ah putain. Je suis détermination. J'en serais ravi. Non, non, non, tu vas pas pouvoir le garder. J'avais juste besoin de ça pour pouvoir mettre la main sur le cœur et sortir ma plus grosse hype déterminationnée. La main sur le fucking cœur. J'en serais ravi. Voilà, j'ai été trop loin. Surtout quand la ville dans laquelle vous vivez sombre dans la folie. Il s'y croit beaucoup. J'ai plus rien à perdre. Si vous avez vraiment cette vidéo. Ah mais alors tu te mords, tu t'es mort de rire, non? Non, je suis pas mort de rire, je mêle. Ah oui, non mais attention, parce qu'on dirait que t'es mort de rire. Ah. Et Winston Franklin avec l'intégralité du casting des Feux de Dieu. De... Des Feux de Dieu. Ça va pas être assez fort. Tu vas me détester. Ça allait ou pas? Tu vas faire. Mais la tire fond. C'est bon? Ouais. Préparez-vous à partir en vitesse. Vous avez moins d'une heure. Préparez-vous à partir en vitesse. Vous avez moins d'une heure. Attends, attends, faut que je la refasse. Bon, par contre, vous allez m'expliquer comment j'ai encore des répliques à la fin alors qu'on vient de me tirer dessus. Ah non, c'est présentateur 2, donc a priori, c'est pas moi. Ah, si j'avais seulement mon... Bonjour, je suis le président-maire de Peak City. De Peak City. La ville des gros porcs. Ah, il est mort aussi, bravo, bien joué, monsieur le sauveur de l'humanité. J'ai pas fait exprès. Il se retient, tu sais, quand même. Qu'est-ce que vous me faites pas faire, hein? C'est n'importe quoi. Non, mais j'y crois pas. Oh, cette saga, quoi. Putain, j'ai le mot de la fin, je suis trop content. You can do it. Do it! Mon dieu, c'est la page de 69! J'ai plus de voix. Et il est où, Burger? C'est vrai, ça, hein? Je recherche et à chaque fois, elle est dit Burger, tu t'es bien marié à Burger. Ah bah, c'est fini. Merde, déjà? Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je meurs? Non, je peux pas mourir. Burger ne peut pas mourir. Burger est immortel. Sans déconner. Sans déconner, les Jones. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, je suis très, très déçu. Non, non. C'est, j'ai l'impression... Alors, je vous avoue que j'ai pas lu complètement. J'aime bien avoir la surprise. Mais j'ai l'impression que c'est triste, la fin... Où est Burger? Alors les enfants, Burger n'est pas mort et il va vous raconter une histoire géniale. Il était une fois plein d'enfants qui étaient trop contents. Oui, ils étaient dans une ville à Prolicraplique. Et du coup, eh bien, ils avaient plein de Big Cola et ils en mangeaient partout et tout le temps. Et voilà, c'était une très belle histoire de Burger. Et Burger, il est pas mort, hein. Burger, il vérifie les compteurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, alors, je vais arrêter, parce que vraiment, je pense que la fatigue est en train de me faire faire n'importe quoi. J'ai des changements de voix toutes les 15 secondes. Dans ma tête, on est plusieurs, mais alors, genre, d'habitude, on est déjà plusieurs, mais là, on est... Non, mais c'est genre incroyable. Tu vois, genre, je m'en vais, hein, d'accord? Je vais éteindre pendant en faisant un effet fade-out à la... Alors, donc, voilà, donc je lui dis, non, mais attends, mec, tu peux pas te permettre comme ça de faire des choses... qui te remettent en question ce genre de choses et tout ça, et puis tout d'un coup, là, il me dit, ouais, non, c'est pas possible, c'est...